Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 7e, unité de substance. Markem d'anarchive.org, d'après abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Dieu le Père, qui a engendré le Fils, où la vertu et la sagesse, non seulement est le Père de la vertu et de la sagesse, mais est lui-même vertu et sagesse, et également le Saint-Esprit. Cependant il n'y a pas trois vertus ou trois sagesses, mais une seule vertu et une seule sagesse, comme il n'y a qu'un Dieu et une essence. Pourquoi les Latins disent-ils une essence et trois personnes, et les Grecs une essence et trois substances ou hypostases? Ces expressions sont nécessaires pour signifier d'une manière quelconque ce que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chapitre 1er. Chacune des trois personnes de la Trinité est-elle sagesse par elle-même? Difficulté de cette question, moyen de la résoudre. Approfondissons maintenant davantage autant que Dieu nous le donnera, la question dont nous avons différé la solution tout à l'heure, à savoir, si chacune des trois personnes de la Trinité peut, en elle-même, indépendamment des autres, être appelée Dieu grand, sage, vrai, tout-puissant, juste, possédant tous les attributs essentiels et non relatifs, ou si ces expressions ne doivent s'employer que quand on parle de la Trinité tout entière. Cette question est soulevée par ces mots de l'apôtre, le Christ vertu de Dieu et sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1, 24. Dieu est-il le Père de sa propre sagesse et de sa propre vertu, de manière à être sage de la sagesse qu'il a engendrée, et puissant de la vertu qu'il a engendrée, vertu et sagesse qu'il a toujours engendrée, puisqu'il est toujours puissant et sage? Car, disions-nous, s'il en est ainsi, pourquoi ne serait-il pas le Père de la grandeur par laquelle il est grand, de la bonté par laquelle il est bon, de la justice par laquelle il est juste, et ainsi des autres attributs? Que si toutes ces choses exprimées par des noms divers sont renfermées dans la même sagesse et la même vertu, en sorte que la grandeur soit la même chose que la vertu, la bonté la même chose que la sagesse, et aussi la sagesse la même chose que la vertu, comme nous l'avons déjà dit. Souvenons-nous alors que, quand nous nommons un de ces attributs, c'est comme si nous les nommions tous. On demande donc si le Père, pris en particulier, est sage, s'il est à lui-même sa propre sagesse, ou s'il est sage seulement quand il parle, car il parle par le Verbe qu'il a engendré, non d'une parole qui se prononce, fait entendre un son épasse, mais de celle, dont il est dit que le Verbe était en Dieu, que le Verbe était Dieu et que par lui tout a été fait. 1 Jean 1, 1, 3. Verbe égal à lui, et par lequel il s'exprime lui-même toujours, et sans changement. Car il n'est pas Verbe lui-même, pas plus qu'il n'est Fils, ni image. Or, quand il parle, nous acceptons ici le langage temporel que Dieu a fait entendre à la créature, langage qui bruit et passe. Quand il parle, dis-je, par ce Verbe coéternel, il ne doit pas être supposé seul, mais bien avec le Verbe lui-même, sans lequel il ne parlerait certainement pas. Mais est-il sage seulement parce qu'il parle, de manière à être sagesse comme son Verbe? Et être Verbe, et être sagesse, est-ce la même chose? En peut-on dire autant de la vertu, tellement que vertu, sagesse et Verbe soient la même chose, et que ces expressions soient seulement relatives, comme les mots fils et image? De sorte que le Père pris en particulier, ne soit pas puissant ou sage, mais seulement avec la vertu et la sagesse qu'il a engendrée, tout comme il ne parle pas seul, mais par le Verbe et avec le Verbe qu'il a engendré. Et ainsi n'est-il grand que de la grandeur et avec la grandeur qu'il a engendrée? Et s'il n'est pas grand par autre raison qu'il est Dieu? S'il n'est grand que parce qu'il est Dieu, vu que être grand et être Dieu sont pour lui la même chose. Il s'ensuit que, pris en particulier, il n'est pas Dieu, mais seulement paré avec la divinité qu'il a engendrée, de telle sorte que le Fils est la divinité du Père, comme il est la sagesse et la vertu du Père, comme il est le Verbe et l'image du Père. Et comme être et être Dieu sont pour lui la même chose, ainsi le Fils est aussi l'essence du Père, comme il est son Verbe et son image. Par conséquent encore, excepté sa qualité de Père, le Père n'est quelque chose que parce qu'il a un Fils, en sorte que non seulement en tant que Père, et il est évident qu'il ne l'est point par rapport à lui-même, mais par rapport à son Fils, puisqu'il n'est Père que parce qu'il a un Fils, mais encore d'une manière absolue et par sa nature même, il n'existe que parce qu'il a engendré sa propre essence. En effet, comme il n'est grand que par la grandeur qu'il a engendrée, ainsi il n'existe que par l'essence qu'il a engendrée, puisqu'être et être grand sont en lui une même chose. Est-il donc le Père de son essence, comme il est le Père de sa grandeur, comme il est le Père de sa vertu et de sa sagesse? Car sa grandeur est la même chose que sa vertu, et son essence la même chose que sa grandeur. Cette discussion est occasionnée par ces paroles. Le Christ est la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi, voulant traiter des choses insondables, nous sommes arrêtés à cette difficulté, ou de dire que le Christ n'est pas la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu, ce qui serait la négation insolente et impie des paroles de l'apôtre, ou de reconnaître que le Christ est bien la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu, mais que son Père n'est point le Père de sa propre vertu et de sa propre sagesse, impiété qui ne serait pas moindre, puisqu'il ne serait pas le Père du Christ, vu que le Christ est la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu, ou que le Père n'est pas puissant par sa propre vertu, ni sage par sa propre sagesse, et qui oserait proférer ce blasphème, ou que, dans le Père, autre chose est d'être, autre chose d'être sage, en sorte qu'il ne serait pas sage par le seul fait qu'il existe, ce qui est vrai de l'âme humaine, laquelle est tantôt insensée, tantôt sage, parce qu'elle est de nature changeante et ne possède pas la simplicité absolue et parfaite, ou que le Père n'est point par lui-même, et que non seulement sa qualité de Père, mais son existence même, est relative à son Fils. Comment donc le Fils sera-t-il de la même essence que le Père, si le Père par lui-même n'est pas l'essence, qu'il n'existe point par lui-même, mais ne possède l'être que par rapport à son Fils? Mais, dira-t-on, il faut bien plutôt dire qu'il est d'une seule et même essence, puisque le Père et le Fils ne sont qu'une seule et même essence, vu que le Père n'est pas par lui-même, mais seulement par rapport au Fils qu'il a engendré comme essence, essence par laquelle il est tout ce qu'il est. Donc ni l'un ni l'autre n'est par soi, et tous les deux ne sont que relativement l'un à l'autre. Ou bien, dira-t-on du Père seul que non seulement il n'est Père, mais qu'il n'est rien que par rapport à son Fils, tandis qu'on dira du Fils qu'il est par lui-même? Si cela est, comment nommera-t-on le Fils en lui-même? L'appellera-t-on essence? Mais le Fils est l'essence du Père, comme il est la vertu et la sagesse du Père, comme il est le Verbe du Père et l'image du Père. Ou si l'on dit que le Fils est essence par lui-même, tandis que le Père n'est point essence, mais qu'il a engendré l'essence, qu'il n'existe point par lui-même, mais par l'essence qu'il a engendrée, comme il est grand par la grandeur qu'il a engendrée. Donc le Fils sera aussi par lui-même la grandeur, donc il sera aussi par lui-même la vertu, la sagesse, le Verbe et l'image. Or, quoi de plus absurde que de dire qu'une image est sa propre image? Ou bien si l'image et le Verbe ne sont pas la même chose que la vertu et la sagesse, que ces deux premiers termes s'entendent dans le sens relatif, et ces deux derniers dans le sens absolu. Voilà que le Père ne sera plus sage de la sagesse qu'il a engendrée, puisqu'il ne peut pas être dit sagesse par rapport à elle, ni elle par rapport à lui. En effet, tout rapport suppose deux termes. Reste donc à dire que le Fils est essence par rapport au Père, d'où ce résultat bien inattendu, que l'essence n'est pas l'essence, ou du moins que quand on dit essence, on entend dire rapport. Donnons un exemple. L'expression « maître » indique non une essence, mais un rapport vis-à-vis d'un serviteur. Mais quand on dit « homme » ou quelque autre chose de ce genre, on indique une essence et non une relation. Ainsi, quand on dit d'un homme qu'il est maître, le mot « homme » désigne l'essence, le mot « maître » la relation. Car l'homme est homme en lui-même, et maître par rapport à son serviteur. Et la raison de ce langage est que si l'essence est prise dans le sens relatif, elle n'est plus proprement essence. Ajoutons que toute essence prise dans le sens relatif est encore quelque chose en dehors de ce relatif. Ainsi l'homme maître, l'homme serviteur, le cheval animal de somme, la pièce de monnaie art, sont homme, cheval, pièce de monnaie en eux-mêmes, et sont des substances ou des essences, et ce n'est que dans le sens relatif qu'on les appelle maître, serviteur, animal de somme, art. Mais si l'homme n'existait pas, c'est-à-dire n'était pas une substance, on ne pourrait le nommer maître relativement. Si le cheval n'était pas une essence, on ne pourrait lui donner la qualification relative d'animal de somme. Et si la pièce de monnaie n'était pas une substance, on ne pourrait l'appeler relativement art. Si donc le Père n'est pas quelque chose en lui-même, il est absolument impossible de lui attribuer un rapport. Il n'en est pas ici comme d'un objet coloré, auquel la couleur se rapporte, cette couleur n'existant point par elle-même, mais appartenant toujours à l'objet coloré, tandis que l'objet lui-même, bien qu'on ne l'appelle coloré que par rapport à sa couleur, est cependant corps en lui-même. Il ne faut donc pas s'imaginer que le Père n'est point dans un sens absolu, mais simplement par rapport à son Fils, tandis que ce même Fils aurait tout à la fois une existence propre et une existence relative à son Père, étant appelé par lui-même grandeur vraie et vertu puissante, et de plus grandeur et vertu du Père grand et puissant, par laquelle le Père est grand et puissant. Non, il n'en est pas ainsi. Mais l'un et l'autre sont substance, et l'un et l'autre sont la même substance. Or, comme il est absurde de dire que la blancheur n'est pas blanche, de même il est absurde de dire que la sagesse n'est pas sage, et comme la blancheur est dite blanche par elle-même, ainsi la sagesse est dite sage par elle-même. Mais la blancheur du corps n'est pas une essence, puisque c'est le corps lui-même qui est essence, et la blancheur sa qualité, qualité qui le fait nommer corps blanc, bien que pour lui exister et être blanc ne soit pas la même chose. Car là, autre chose est la forme, autre chose la couleur, et ni l'une ni l'autre n'existe par elle-même, mais seulement dans un corps quelconque, lequel corps n'est ni forme, ni couleur, mais seulement formé et coloré. La vraie sagesse est sage et elle est sage par elle-même. Et comme toute âme devient sage par participation à la sagesse, si cette âme redevient insensée, la sagesse n'en subsiste pas moins en elle-même. Elle ne change pas, parce que l'âme a changé en passant à la folie. Mais il n'en est pas de même de celui qui devient sage par elle comme le corps devient blanc par la blancheur. En effet, quand ce corps prend une autre couleur, la blancheur ne subsiste plus, elle a tout à fait cessé d'être. Que si le Père qui a engendré la sagesse est sage par elle, et que, pour lui, être ne soit pas être sage, dès lors son Fils est sa qualité et non plus son Fils, la simplicité a cessé d'être parfaite. Mais loin de nous cette pensée, car la l'essence est vraiment et souverainement simple, et l'existence et la sagesse y sont une même chose. Or, si être et être sage y sont une même chose, le Père n'est donc pas sage par la sagesse qu'il a engendrée. Autrement il ne l'engendrerait pas, mais ce serait elle qui l'engendrerait lui-même. En effet, qu'entendons-nous quand nous disons que être et être sage sont pour lui la même chose, sinon qu'il existe par ce qui le fait sage? Donc, la raison pour laquelle il est sage, est aussi la raison pour laquelle il existe. Et, par conséquent, si la sagesse qu'il a engendrée est la raison pour laquelle il est sage, elle est aussi la raison pour laquelle il existe. Ce qui ne peut avoir lieu que si elle l'engendre ou le crée. Or, personne n'a jamais dit que la sagesse ait engendré ou créé le Père en aucune façon. Ne serait-ce pas là la plus grande des folies? Donc, le Père lui-même est aussi sagesse, et le Fils est appelé sagesse du Père, comme il est appelé lumière du Père, c'est-à-dire que, comme il est lumière de lumière et que les deux ne sont qu'une même lumière, ainsi doit-on entendre qu'il est sagesse de sagesse et que tous les deux sont une même sagesse, et, par conséquent, une seule essence, puisque là, être et être sage c'est la même chose. En effet, s'il est de la sagesse d'être sage, de la puissance de pouvoir, de l'éternité d'être éternel, de la justice d'être juste, de la grandeur d'être grande, il est de l'essence d'exister. Et comme, dans cette simplicité, la sagesse n'est pas autre chose que l'être, la sagesse n'est pas non plus autre chose que l'essence. Chapitre 2. Le Père et le Fils sont ensemble une seule sagesse, comme une seule essence, bien qu'ils ne soient pas ensemble un seul verbe. Le Père et le Fils sont donc ensemble une seule essence, une seule grandeur, une seule vérité, une seule sagesse. Mais le Père et le Fils ne sont pas ensemble un seul verbe, parce qu'ils ne sont pas tous les deux un seul Fils. En effet, comme le Fils est Fils relativement au Père, et non relativement à lui-même, ainsi le Verbe, quand on le nomme ainsi, se rapporte à celui dont il est le Verbe. Car il est Fils par là même qu'il est Verbe, et il est Verbe par là même qu'il est Fils. Donc, puisque le Père et le Fils ensemble ne sont évidemment pas un seul Fils, il s'ensuit que le Père et le Fils ensemble ne sont pas un seul Verbe des deux. Voilà pourquoi le Verbe n'est pas Verbe parce qu'il est sagesse, puisqu'il est nommé Verbe, non par rapport à lui-même, mais seulement par rapport à celui dont il est le Verbe, comme il est nommé Fils par rapport à son Père, tandis qu'il est sagesse parce qu'il est essence. Et comme l'essence est une, la sagesse est une. Or, comme le Verbe est sagesse, mais n'est pas verbe parce qu'il est sagesse, car il est verbe relativement, et sagesse essentiellement. Entendons, quand on dit verbe, qu'on parle de la sagesse née pour être fils et image. Et quand on prononce ces deux mots, sagesse née, entendons, dans l'un, née, et le verbe, et l'image, et le fils. Toutefois, dans ces trois expressions, ne cherchons pas les sens, parce qu'elles sont relatives. Mais dans l'autre, sagesse, qui est une expression absolue, puisque la sagesse est sage par elle-même, entendons l'essence même, pour qui être et être sage sont une même chose. Par conséquent, le Père et le Fils sont ensemble une seule sagesse, parce qu'ils sont une seule essence, et, en particulier, sagesse de sagesse, comme essence d'essence. Ainsi, quoique le Père ne soit pas le Fils, ni le Fils le Père, quoique l'un ne soit pas engendré et que l'autre le soit, ils n'en sont pas moins une seule essence, car les noms de Père et de Fils ne sont que relatifs. Mais l'un et l'autre sont ensemble une seule sagesse et une seule essence, pour laquelle être et être sage sont une même chose, mais ils ne sont pas tous les deux ensemble verbe ou fils. Parce que être et être verbe ou fils ne sont pas la même chose, ces expressions n'étant que relatives, comme nous l'avons déjà suffisamment démontré. Chapitre 3. Pourquoi les Écritures attribuent particulièrement au Fils la sagesse, bien que le Père et le Saint-Esprit soient aussi sagesse? Pourquoi donc les Écritures ne parlent-elles presque jamais de la sagesse que pour la montrer engendrée ou créée de Dieu? Sagesse engendrée par qui tout a été fait, sagesse créée ou faite dans les hommes, par exemple, quand ils se tournent vers la sagesse qui n'a pas été créée ou faite, mais engendrée, et qu'ils en reçoivent la lumière. Car alors ils se forment en eux quelque chose qui s'appelle leur sagesse. Ce que les Écritures elles-mêmes prédisent ou racontent quand elles disent que « le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous » Jean 1, 14, « le Christ étant devenu sagesse en devenant homme ». Et si la sagesse ne parle pas dans ces livres, ou si on n'y parle d'elle que pour montrer qu'elle est née ou créée de Dieu, quoique le Père lui-même soit sagesse, ne serait-ce pas pour nous recommander et proposer à notre imitation cette sagesse même, sur le modèle de laquelle nous sommes formés? Car le Père la nomme pour qu'elle soit son verbe, non ce verbe qui sort de la bouche, s'exprime par un son et demande de la réflexion avant d'être prononcé, verbe qui appartient à l'espace et au temps, tandis que l'autre est éternel, et, en nous éclairant, nous dit, et de lui-même et de son Père, ce qu'il faut dire aux hommes. Aussi le Christ a-t-il dit, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler, Matthieu 11, 27, parce que le Père révèle par son Fils, c'est-à-dire par son Verbe. Si en effet la parole temporelle et transitoire que nous prononçons, tout à la fois se manifeste elle-même et fait connaître l'objet dont nous parlons, à combien plus forte raison le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait. Il révèle le Père en tant que Père, parce qu'il est la même chose, qu'il est ce qu'est le Père, en tant qu'il est sagesse et essence. Car, en tant que Verbe, il n'est point ce qu'est le Père, parce que le Père n'est pas Verbe, parce qu'il n'est lui-même appelé Verbe ou Fils que dans le sens relatif, ce que le Père n'est certainement point. Et le Christ est appelé vertu et sagesse de Dieu, parce qu'il est lui-même vertu et sagesse du Père, qui est vertu et sagesse, comme il est lumière du Père qui est lumière, et source de vie en Dieu le Père qui est certainement source de vie. Il est écrit, parce que la source de vie est en vous, et que nous verrons la lumière dans votre lumière, Psaume 35, 10. Et encore, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir en lui-même la vie, Jean 5, 26. Et ailleurs, il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et, le Verbe, cette lumière, était en Dieu. De plus, le Verbe était Dieu, Jean 1, 9, 1. Or, Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui, 1, Jean 1, 5. Mais c'est une lumière spirituelle et non corporelle. Spirituelle, non dans le sens d'illumination, comme quand le Christ dit aux apôtres. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Mais, la lumière qui éclaire tout homme, la sagesse essentielle et souveraine qui est Dieu et par laquelle nous agissons ici-bas. Le Fils est donc sagesse du Père qui est sagesse, comme il est lumière de lumière et Dieu de Dieu, en sorte que le Père est lumière en lui-même, et le Fils lumière en lui-même, que le Père est Dieu en lui-même et le Fils Dieu en lui-même. Par conséquent, le Père est en lui-même sagesse, et le Fils en lui-même sagesse. Et comme les deux ensembles sont une seule lumière et un seul Dieu, ainsi les deux ne sont qu'une seule sagesse. Mais, Dieu a fait le Fils notre sagesse, notre justice et notre sanctification, 1 Corinthiens 1, 30, parce que nous nous tournons vers lui temporellement, c'est-à-dire pendant quelque temps, afin de demeurer avec lui dans l'éternité. Et, le Verbe, lui-même, aussi dans le temps, a été fait chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. Voilà pourquoi, lorsque les Écritures disent ou racontent quelque chose de la sagesse, soit qu'elle parle elle-même ou qu'on parle d'elle, c'est surtout du Fils qu'il s'agit. À l'exemple de cette image, ne nous éloignons pas de Dieu, puisque nous sommes aussi l'image de Dieu. Non une image égale et née du Père comme celle-là, mais créée du Père par le Fils. De plus, nous sommes éclairés par la lumière, tandis qu'elle est la lumière qui éclaire, voilà pourquoi elle nous sert de modèle, sans en avoir elle-même. En effet, elle n'est point formée sur quelque autre image antérieure du Père, de qui elle est absolument inséparable, étant la même chose que celui de qui elle est. Pour nous, nous nous efforçons d'imiter celui qui est permanent, de suivre celui qui est immuable, et de marcher en lui pour tendre à lui, parce que, par son abaissement, il est devenu notre voie dans le temps, pour être, par sa divinité, notre demeure éternelle. Étant dans la forme de Dieu égal à Dieu et Dieu lui-même, il offre un modèle aux esprits purs, qui ne sont point tombés par orgueil, puis pour procurer encore dans son exemple une voie de retour à l'homme déchu qui, à raison de la tâche du péché et des châtiments infligés à sa condition mortelle, ne pouvait plus voir Dieu. Il s'est anéanti lui-même, non en changeant rien à sa divinité, mais en revêtant notre nature changeante, et prenant la forme d'esclave. Philippiens 2, 7, il est venu, à nous, en ce monde. 1 Timothée 1, 15, et il était dans ce monde, parce que, le monde a été fait par lui. Il est venu, dis-je, pour donner l'exemple à ceux qui voient en haut sa divinité, à ceux qui admirent en bas son humanité, à ceux qui se portent bien, pour conserver leur santé, aux malades, pour les guérir, aux mourants pour bannir la crainte, aux morts pour leur donner le gage de la résurrection, gardant en tout, lui-même, la primauté. Colossiens 1, 18, afin que l'homme qui ne devait chercher le bonheur qu'en Dieu et ne pouvait sentir Dieu, pût, sur les pas du Dieu fait homme, suivre celui qu'il pouvait sentir et qu'il devait suivre. Aimons-le donc et attachons-nous à lui, au moyen de la charité répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 15. Ainsi il n'est pas étonnant, après que l'image égale au Père s'est donnée à nous pour modèle afin de nous réformer à l'image de Dieu, il n'est pas étonnant, dis-je, que quand l'Écriture parle de la sagesse, elle parle du Fils que nous suivons en vivant sagement, bien que le Père aussi soit sagesse, comme il est lumière et Dieu. Et l'Esprit Saint, aussi, soit qu'on voit en lui la souveraine charité qui unit le Père et le Fils et nous unit à eux, sentiment qui n'est point indigne de lui, puisqu'il est écrit, Dieu est amour, 1 Jean 4, 8, et comment ne serait-il pas aussi sagesse, puisqu'il est lumière, Dieu étant lumière, soit qu'on désigne son essence d'une autre manière et par un mot spécial, l'Esprit Saint, dis-je, est aussi lumière, puisqu'il est Dieu, et, étant lumière, il est évidemment sagesse. Or, que l'Esprit Saint existe, c'est ce que l'Écriture nous crie par la bouche de l'apôtre, qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Puis il ajoute aussitôt « Et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens 3, 16. En effet, Dieu habite dans son temple, et ce n'est pas comme ministre que l'Esprit de Dieu habite dans le temple de Dieu, car ailleurs l'apôtre nous dit en termes plus clairs, « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et qu'ainsi vous n'êtes plus à vous-même ?» Car vous avez été achetés à haut prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Or, qu'est-ce que la sagesse, sinon une lumière spirituelle et immuable? Sans doute le soleil aussi est une lumière, mais une lumière matérielle. La créature spirituelle est aussi une lumière, mais qui n'est point immuable. Donc le Père est lumière, le Fils est lumière, le Saint-Esprit est lumière, et cependant tous ensemble ne sont point trois lumières, mais une seule lumière. Voilà pourquoi le Père est sagesse, le Fils est sagesse, le Saint-Esprit est sagesse, et tous ensemble ne sont point trois sagesses, mais une seule sagesse. Et comme là, être et être sage sont une même chose, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'une seule essence. Là encore, être et être Dieu sont une même chose. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul Dieu.